Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Nous profitons des vacances pour revoir ensemble les meilleures sorties de la saison. Automne 1980. Voilà plus de 2 ans que Coluche triomphe tous les soirs au gymnase et que ses histoires circulent des cours de récré au banc des universités en passant par les usines, les cafés, les salons ou les prisons. L'ex-petite frappe de Montrouge fait rire un peu tout le monde, les opprimés de leurs oppresseurs et certains des oppresseurs d'eux-mêmes. Après s'être fait virer de Radio Monte Carlo, il se dit qu'il pourrait être candidat aux prochaines élections. Faut y aller Michel, tout le monde est là. Circulez, y'a rien à voir, allez. Le problème, c'est que Giscard, il va les gagner les élections. Avec la France, elle, elle va les perdre. Et si tous les cons se présentent, bah moi aussi j'y vais, hein. Non, le plus important, c'est de semer la merde. C'est maintenant officiel, l'humoriste Coluche sera candidat à l'élection présidentielle. J'appelle les fainéants, les crasseux, les jeunes, les drogués, les vieux, les alcooliques, tous ceux qui comptent pas pour les hommes politiques à voter pour moi. On va leur foutre au cul. On est 3 millions d'homosexuels en France. On est tous derrière toi. Pas trop près, alors. L'écologie, j'adorerais. Hein. Le problème, c'est que tu seras élu le jour où les arbres voteront. 16% d'intention de vote. Les chances de François Mitterrand sont sérieuses, mais que vous soyez réellement candidat représente un risque. Coluche, l'histoire d'un mec, un film d'Antoine Decaune, interprété brillamment par François-Xavier Demaison. Un DVD, Fox Pater Repas.